Le million, le million, le million, le million, le million, le million, le million, le milliard. Aujourd'hui, beaucoup font leur beurre à main des millions. Avec le RAP, musique des négros a pris le flambeau, les producteurs ont flambé. Depuis sa banque illico, presto, prêché, damaché, un match d'oseille. Tous les soirs se répète ce refrain. Stero était vénère, vénère comme Lucifer. Stero était vénère, vénère, vénère, vénère comme Lucifer. Stero était la maliche au pays des rappeurs. Ces types, ces prototypes, type des types parfaits. Pas fait pour le RAP, monsieur Berger continue dans ce ballon sur mon RAP. Avec sa femme derrière son bureau, pousse sur le son. Fait monter la tension au nom de qui? Stero, le négro gospel. Stero, le négro gospel. Stero, le négro gospel. Suis mon son, ça danse, bouge, groove, move sur mon RAP. Il fait pas mon goût de racaille. Dis-moi pourquoi toutes ces lignes.